Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque fin de mois, je vais vous raconter une saga et aujourd'hui, je vais continuer celle de janvier consacrée à Cool and the Gang. Les années 80 sont des années de gloire du groupe qui collectionne les titres en tête des classements. Ladies Night, Too Hot en 1979, Celebration, Jones Against Jones en 1980, Get Down On It, Take My Heart 1981, Let's Go Dancing 82, Joanna 83, Tonight Straight Ahead 83 aussi, Cherish en 1985 ou encore Fresh en 1984, Emergency, Victory et Stone Love. Vous voyez, la liste elle est très très grande. Le titre Celebration, 2 millions de copies vendues aux États-Unis, est même choisi comme hymne de bienvenue lors du retour aux États-Unis des otages d'Iran. Les prestations scéniques du groupe sont de véritables shows qui mêlent une musique savamment orchestrée à de la virtuosité instrumentale, des chorégraphies très élaborées, ça fait toujours salle comble. Fin 1987, James Taylor décide de s'orienter vers une carrière solo. Il se sépare de façon amicale et sera même invité par le groupe lors de la cérémonie d'intronisation de Cool and the Gang au Songwriter Hall of Fame en 2018. Entre 1989 et 1993, Taylor sort 4 albums solo. Master of the Game, 89, Feel the Need, 91, Baby I'm Back, 93. Il obtint des succès honorables aux États-Unis et en Angleterre avec des titres tels que Sister Rosa, 8 Days a Week ou Long Hot Summer Night. De leur côté, les membres restants de Cool and the Gang remplacent Taylor par 3 vocalistes. Skip Martin, qui fait partie des Das Band qu'on a déjà entendu dans notre émission. Odden May et Sean McQuiller. Le public, par contre, il n'est pas habitué à la voix et l'image de Taylor reste gravée dans leur mémoire. Les albums Sweet et Unite ne percent pas dans les hit parades. Cependant, le groupe organise des tournées dès le début des années 90 avec cette formation. Celles-ci sont un triomphe en Europe et en Asie. Très régulièrement, en tournée dans le monde, environ une centaine de dates par an, et c'est quasiment sans interruption depuis 1972. Cool and the Gang a enregistré de nombreux DVD live, notamment en l'an 2000. Le DVD s'appelle Live at the House of Blues. Ça a été enregistré à Chicago. Ladies night. En 1995, le public réclame G.T. Taylor. Et pour relancer la carrière de chacun, mais aussi par un désir artistique, Taylor réintègre le groupe. Ils enregistrent l'album State of Alpha en 1996, dans lequel le groupe aborde des thèmes à la connotation sociale. Mais sa diffusion va rester très très restreinte. Il s'ensuit alors une tournée internationale de 3 ans, qui s'achèvera en mars 1999, en Jamaïque, et il y aura aussi un DVD live qui sera enregistré à ce moment-là. Les DJ vont remixer Celebration et Get Down On It, deux titres qui vont trouver le sommet des charts anglais. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. When you're dancing. Get down. What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on then. Get down on if you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Parallèlement, à partir de 1996, la plupart de leurs albums des années 1970 sont réédités en format CD, faisant ainsi redécouvrir à la nouvelle génération leur période jazz-funk. Le jeune jazzman de Chicago, Brian Culberson, reprend d'ailleurs un de leurs titres, Hollywood Swinging, sur son album Bringing Back in the Funk en 2008. À ce jour, Kool & The Gang est, avec James Brown, le groupe le plus samplé, y compris par des artistes de renommée internationale, tels que les Beastie Boys, Madonna ou Janet Jackson. On peut également entendre un sample d'un de leurs morceaux Jungle Jazz sur le titre de Mars, Pop Up The Volume, en 1987, ou de et aussi sur un album de Nas en 1994, ou plus récemment en 2017, Spirit of the Boogie par The Killers pour leur titre The Man. Of a kind, and girl, Taylor quitte le groupe pour se réinvestir dans sa carrière solo. En 1999, à la demande du producteur japonais Takamoto Nozawa, il accepte de participer à l'album Snappies 2 en compagnie de la crème des musiciens de jazz new-yorkais, sur le titre Feeling of Beginning, produit par la firme JVC et enregistré à New York. Son interprétation sur ce titre révèle son aisance aussi bien dans un répertoire funk et jazz. En l'an 2000, il sort l'album A Brand New Me, dont les arrangements vocaux et la production sont salués par la critique, mais dont seuls les singles Sex on the Beach et How connaîtront un succès honorable. En 2003, Funkbuster reprend le tube Fresh. Cool and the Gang propose alors au chanteur Zach, au timbre très jacksonien, de monter sur scène au Brésil. Pour des raisons de production, le show n'aura pas lieu. Quel dommage. La même année, le groupe de funk chante un featuring avec Liberty X. C'est le finalisme de l'émission Popstar anglaise, en reprenant ce même tube Fresh. C'est avec ce titre que l'on va se quitter et je vais vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt. We'll be right back. We'll be right back.